Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et cette semaine, deux axes d'exploration autour de la sphère du 9e art, de la bande dessinée. En deuxième moitié d'émission, on aura le plaisir d'échanger avec Michel Giguère, qui est de retour pour une 30e saison des Rendez-vous de la BD, rien de moins. Alors évidemment, on soulignera avec lui cette période charnière et lui nous amènera également dans l'univers de Serge Gabouri. Donc c'est le sujet de sa première rencontre en septembre. Alors donc un regard, un survol sur cette œuvre-là, sur cet auteur qui a eu un bel impact sur la bande dessinée québécoise que je pense tout le monde connaît d'un point de vue de l'esthétique. Il y a eu d'ailleurs une belle rétrospective de son œuvre qui a été offerte du côté de Perrault Éditeur il y a quelques années, d'encre et de sang. On avait eu l'occasion d'ailleurs de faire un survol avec lui et de tout ça. Et on mettra en perspective ces éléments là en compagnie Michel Giguère tout à l'heure. Donc ça sera autour de 18h10. Il y aura également des critiques BD qui seront au menu au fil de l'émission. Et dans quelques instants, on aura le plaisir de jaser avec Mélanie Leclerc qui offre contact chez Mécanique Générale. Donc après avoir remporté le Bédilis indépendant, il y a de ça à peu près un an et demi, deux ans. Donc elle revient avec une version éditée à plus grande distribution de cet album qu'elle avait fait. Album sur son père, sur son enfance, sur leur relation partagée autour de l'image. Une bande dessinée que j'avais pas eu l'occasion de découvrir en première sortie, en sortie indépendante. Donc, je suis bien content de voir Mécanique Générale l'offrir. Et sincèrement, pour une première BD, c'est du solide. Alors, j'ai très hâte de vous en parler et qu'on explore ensemble avec son autrice, mais justement l'univers de cette bande dessinée. Alors, c'est notre menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. Toujours à l'écoute de La Vie en BD, c'est toujours le 8 bits qui nous mène de segment en segment. Et cette semaine, on écoute du Dirk Rugged et Disaster Piece. C'est ce qui va nous accompagner tout au fil de l'heure. J'en profite pour vous rappeler également qu'on peut vous accompagner au-delà de cette heure radiophonique, notamment par le biais de notre page Facebook, facebook.com/lavieenbd. Également sur notre blog, lavieenbd.wordpress.com. Si vous souhaitez faire un peu de rattrapage, la plupart de nos balado-diffusions s'y retrouvent également. Alors, on plonge donc dans la première rencontre de cette émission. Donc, une bande dessinée dont on avait fortement envie de vous parler depuis qu'elle était arrivée sur notre pile de lecture. Donc, une belle première œuvre que nous offre Mélanie Leclerc. Ça s'appelle Contact, c'est chez Mécanique Générale. Et l'autrice est avec nous au bout du fil. Mélanie Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors, d'emblée, dans cette bande dessinée Contact, vous nous amenez dans l'univers, dans l'histoire de votre père, donc Martin Leclerc, donc cinéaste, photographe, et tout ça à travers un peu votre regard à vous, à travers votre relation aussi qui se construit avec celui-là, avec celui-ci, donc relation père-fille, mais relation aussi avec l'image. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de vous raconter et de le raconter comme ça? En fait, je voulais parler beaucoup de photographie et puis je voulais parler de lui. Alors, je suis comme devenue une espèce d'accessoire là, de locomotive, pas mal plus après comme excuse narrative parce qu'il était Martin est un gars assez discret, de peu de mots. Donc, dans mes premières tentatives, ça faisait des planches avec beaucoup de voix off parce qu'il parlait vraiment pas beaucoup. Fait que ça a été finalement de me mettre dans le portrait, ça l'a provoqué des dialogues et puis c'est plus à travers ça que je trouvais que c'était bien de ça l'amenait à se découvrir de manière plus fluide. Et vous avez choisi aussi d'amener tout ça à travers la bande dessinée. C'est une première BD, en fait, qui est sortie en 2017 en auto-édition. Donc, qu'est-ce qui vous avait amené au départ vers ce médium-là? C'est comme... les chemins sont sinueux, là, tu sais. Moi, j'ai étudié... Mon parcours universitaire était plus en littérature. Après ça, j'ai bifurqué vers le cinéma, le documentaire. Mais j'ai toujours aimé dessiner à travers tout ça, puis la photo. Fait que ça s'est fait... Ça s'est fait comme par hasard. J'ai vraiment toujours aimé la BD, mais veux pas avec la vie de famille, parce que là, j'avais abandonné plusieurs projets de cinéma. J'avais comme tourné la page pour pouvoir me concentrer sur les enfants. Je voulais pas partir souvent, avoir un peu une vie comme peut-être pas comme lui avait eu, mais le cinéma demande beaucoup de temps. Et puis, fait que je veux pas, je me suis fait une bulle, puis dans la bulle, j'ai commencé à faire des bulles. et en même temps, j'ai l'impression qu'avec un sujet comme ça, où au cœur de tout ça, il y a justement toute la nature, la notion de la relation à l'image, un médium visuel s'en semble un peu naturel, en fait, dans la continuité du sujet. Absolument. Je le voyais pas comme un récit qui aurait juste été écrit. J'ai été formée par l'image, puis vraiment une image vaut mille mots. Souvent ça fait puis le fait de construire aussi les photos que des fois je reproduisais ou m'inspirer beaucoup de photos. Donc c'était en effet un espèce de chemin obligé là, que de passer par l'image. Ça me semblait couler de source là. Et à travers le récit, évidemment, vous l'avez dit, Mélanie Leclerc, en fait, votre père était peu loquace de parole, mais par contre, il avait une passion très forte pour l'image. Alors, il faut réussir à trouver une façon de transmettre cette passion-là et de transmettre le regard aussi qu'il s'est construit à travers ces images-là. Donc, j'imagine qu'il a dû avoir un beau défi de construction pour aller d'un côté chercher les sept moments charnières que vous présentez entre 82 et 2004, et de l'autre côté, d'essayer de nous amener justement à travers cette passion, à travers ce regard-là, puis de saisir comment ça s'est construit, comment pour lui et comment pour vous, tout ça s'est bâti. Ouais, parce que dans le fond, en dehors de la technique, l'aspect technique de la photo, qui est dans le fond pas si intéressant que ça, c'est l'aspect humain de la personne, de l'homme qui est inspiré, qui est dans le fond très sensible, puis qui voit la poésie un peu partout. Tu sais, c'est pas la construction du poème qui m'intéresse, c'est pas le poème qui m'intéresse plutôt, mais c'est la construction du poème puis comment ça naît. Donc ça m'intéressait aussi d'aller sur l'historique un peu de comment son regard à lui s'est construit. Le mien s'est peut-être construit à travers lui, puis qu'est-ce qu'il a pu me montrer, puis la chambre noire que je visitais quand j'étais bien jeune, puis les photos qui étaient suspendues un peu partout dans la maison quand il revenait de voyage. Mais le sien, je trouvais que la construction de son regard aussi est intéressante dans la manière où, très jeune, il a été pas confronté, mais invité au voyage, puis il était dans une position aussi où il était un peu en retrait, mais proche de sujets intéressants. Donc il était comme un peu comme un photographe qui se tient toujours un peu muet, mais toujours proche de qu'est-ce qui se passe. Donc la construction de son regard aussi, c'était quelque chose que je trouvais qui était à la fois le cœur de l'histoire, mais voilà, ça, il fallait tisser autour de ça. Oui, parce que dans le fond, la photo devient son regard sur le monde, devient le regard qu'il porte sur l'univers, et devient pour, j'imagine, autant vous dans la famille, donc une porte vers son imaginaire, vers ce qu'il est, vers ses voyages, vers ses expériences et le reste. Oui, vers sa sensibilité, dans le fond, parce que c'était comme un gars qui était plus... Je sais pas comment dire, pas rough dans le sens où il était pas brusque, mais il était silencieux. Il pouvait être des fois sec, disons, ou bête, là, tu sais, dans ses réponses ou dans ses répliques, là, alors que ses photographies étaient toujours pleines de compassion, pleines de tendresse, pleines d'humour aussi. Alors, c'était comme un autre versant. Il s'exprimait vraiment à travers... Il a réussi à s'exprimer à travers l'image. Et ça donne l'impression, à travers le récit, les moments que vous choisissez, que le fait de vous être, ben, en fait, vous, naturellement, dans le fond, comme enfant, on s'intéresse à ce que font nos parents, mais qu'à un moment donné, à peu près à mi-parcours, au moment où votre père vous donne un Leica, qu'on vous voit aussi grandir d'une manière différente, à l'arrière-plan, si on peut dire, à travers le regard, et où l'expérience partagée passe de celle d'une observatrice à celle d'une actrice potentielle à travers ce médium-là. Oui, ben oui. Là, à un moment donné, tu sais, moi, je voulais même pas être tant que ça dans cette histoire-là au départ. Je tenais pas, je tenais vraiment pas. Mais c'est comme, au début, c'est devenu un bas, tu sais, la jeune fille qui rentre dans la chambre noire, qui devient le moyen d'ouvrir la porte vers tu sais, le dialogue père-fille qui était une porte ouverte. Mais on dirait que progressivement, le fil de l'histoire, le personnage a comme nécessairement, c'est comme si narrativement il fallait que le personnage prenne plus de place, puis que c'était comme une espèce de pas une fin logique, mais c'était une continuité logique, que dans le fond faut voir l'autre dans l'histoire d'une transmission, mais faut pas que ça tombe pas à terre après une dizaine d'années, tu sais. Donc c'était c'est pour ça que j'ai choisi de parler ensuite de l'aventure quand j'ai étudié en cinéma, que là, moi aussi, j'ai voulu prendre, beaucoup m'inspirer de l'aspect documentaire de toute sa démarche. Puis bon, c'est intéressant parce qu'en même temps, lui, c'était dans une époque où l'ONF fermait les portes, mettait tranquillement, pas vite, la clé au laboratoire, au département de caméra. Tous les techniciens, finalement, étaient remerciés et puis invités à une retraite précoce, disons. Fait que c'est comme moi, j'essayais de commencer dans ça, puis lui, finalement, il essayait de se retrouver une place, puis il envoyait des CV quasiment aux mêmes places que moi en même temps, mais lui, il avait 50 ans, puis moi, j'en avais 24. Fait que, voilà, les deux chemins ensemble faisaient du sens. Et à travers tout ça, évidemment, on imagine bien que quand on aborde un sujet qui nous est très proche, qui est autobiographique, ben en fait, ça devient difficile parfois de prendre un recul face à celui-là. Et en plus de ce que j'en ai compris, votre père était aussi lui-même un peu présent en début de processus. Oui, oui, ben ça a été super long à faire. Quasiment un 10 ans complet où ce que j'ai comme essayé une première version qui était vraiment pas le fun, qui suivait comme les planches contact, puis qui était très proche de lui. On avait comme ça plein d'entrevues, l'aspect documentaire recherche, là, on passait à travers tous ses agendas, toutes ses planches contact pour essayer de voir, puis ma première version essayait de genre faire parler les planches contact, mais bah ça marchait pas super bien, puis je veux pas, avec les années, j'ai pas une formation en tant que telle en dessin. Je me débrouille, là, tu sais. Fait que plus ça allait, plus je me débrouillais, plus ça avait un peu plus d'allure, mais ça restait toujours un peu naïf. Mais voilà, donc ça a été très long. Puis au début, il était plus présent, mais avec le temps, puis avec les conseils aussi que j'ai été chercher, on m'a dit, faudrait genre que t'arrêtes d'y montrer. Puis la dernière version, en effet, j'ai comme dit, gars, je vais te le montrer à la fin. Puis c'est ça qui a été fait. Ça a été comme un plus que 18 mois où il a presque rien vu. J'ai rien demandé. À la fin, j'ai montré ça, puis là, il était comme, t'as pas parlé de ça, tu sais, il y avait plein de, là, c'était comme le choc du personnage, que là, il est comme, man, t'as comme coupé dans ma vie. Ça a été coupé au montage. C'est ça, je dis, ben oui, ça pensait pas, tu sais, ça pensait pas dans l'histoire. Fait que, mais il a été très consentant, puis il s'est plié au jeu d'une manière vraiment à 100%. Et tout ça dans un album, j'ai envie de dire, à l'esthétique photographique, d'une certaine façon, vous y allez avec le noir et blanc, tonalité de gris, et également quelques tonalités qui nous amènent vers le mauve, le sépia. Impression que vous avez gardé un peu le champ visuel, lexical de la photographie argentique, finalement. Ouais, ben oui, ça c'était mon petit. Ben, c'était sûr que je voulais la faire en noir et blanc. Puis il y avait les sauts dans le temps, les sauts temporels dans le passé, dans ou un petit peu plus dans les projections de futur que je voulais éclaircir par des virages qu'on pouvait faire dans le fond en chambre noire avec un bassin supplémentaire. Fait qu'il y avait le virage sépia, il y avait le bleu, il y avait le mauve. Puis ça, c'était des choses qu'on pouvait faire. Fait que c'était comme un petit. Pour le fun, le clin d'œil, là, je voulais idéalement aussi, j'essayais de, j'aimais le look de d'une certaine aquarelle que j'avais gardée avec, qui avait comme une espèce de pigment, là, tu sais, j'aimais l'aspect rough qui rappelait un peu le grain de la photo, là, des vieux Trix, fait que, ça, oui, ça, je voulais que ça aille l'air un petit peu, un peu film. Oui, puis ça nous amène en fait comme lecteur dans l'ambiance. Je trouvais en fait dans l'ambiance justement de l'apprentissage, de l'expérience, de la photo et de se replacer aussi d'une certaine façon dans le contexte à tout le moins de ce qu'était la photographie au début de du parcours dans le fond que vous nous présentez. Oui, puis je voulais ça c'est quelque chose que je trouve qui est ben, pas triste parce que l'aspect de la chambre noire, j'ai vraiment trippé en chambre noire. C'est un univers qu'on connaît, que les gens qui approchent la photographie aujourd'hui, il y en a pas beaucoup qui peuvent avoir le privilège de travailler en chambre noire. Peut-être il y en a une couple qui vont expérimenter, c'est le fun, mais vraiment de travailler, tu sais, en chambre noire des fois des jours, des semaines, c'est vraiment l'aspect du laboratoire, c'était vraiment cool. Donc ça, je voulais en parler, je voulais essayer de faire revivre ça un petit peu. On peut pas mettre l'odeur qui pue, l'odeur des acides puis tout là, mais au moins un peu le feeling là, de oui, la caverne. Là, ou peut-être dans une réédition de la BD avec une version scratch-a-book. Là. Ouais, c'est un stop-bat, le bain d'arrêt. et en même temps, il y a le côté justement visuel de la photographie de l'époque, de l'argentique, et il y a le côté physique aussi, il y a des planches où vous reproduisez des planches contact, il y a des jeux avec l'objectif, avec des photos aussi qui sont reproduites, donc c'est comment amener au-delà de simplement l'aspect visuel, mais tout l'aspect physique aussi de la photographie. Oui, puis ça, mais ça, c'était aussi un plaisir, tu sais, de reproduire la planche contact, ça, c'était vraiment j'aime l'esthétique d'une planche contact, j'aime l'esthétique du film, j'aime le cadre, je dis l'objectif, mais c'est pas ça que, le viseur, tu sais, j'aime l'idée de tout ça, de pouvoir regarder le réel, puis dans tout qu'est-ce qui est possible, mais là, de juste choisir, puis de juste cibler, cadrer. Alors ça, je voulais essayer d'exprimer ça, puis en même temps, je voulais me faire plaisir de dessiner certaines photos. On dirait que tu les manges un peu plus, puis tu te les accapares. Donc ça, c'était vraiment une partie fun du travail. Oui, puis tout ça avec aussi chaque planche, chaque case, où il y a des choix visuels à faire, il y a des choix de plan, il y a des choix de cadrage. Donc le côté photo, cinéma, il y a un lien implicite avec la bande dessinée parce que tout cet aspect éditorial-là, si on peut dire, bon, on le retrouve aussi dans la mise en scène du récit. Oui, les c'est des familles proches, c'est des cousins proches, donc c'était le fun de passer d'un champ de connaissances à l'autre, puis d'essayer d'exporter certaines notions là, mais c'était vraiment un beau plaisir. Oui, puis éventuellement, est-ce qu'on arrive à, parce que contrairement à la photo où des fois l'instant passe, il disparaît, donc on peut pas revenir dessus en dessin. L'impression que j'en ai, c'est que toujours selon le médium qu'on utilise, le CTRL-Z ou autre reprise. Ouais. Est-ce qu'on arrive éventuellement à se laisser aller puis à accepter la page où on faut se retenir justement de pas virer trop perfectionniste parce qu'on peut la refaire l'image jusqu'à temps qu'elle soit qu'on l'aperçoive comme étant plus que parfaite. Là. Ah mais ça c'est clair. Puis tu sais, je suis consciente aussi que mon dessin est pas aussi achevé que plusieurs super bons illustrateurs et auteurs de bande dessinée. Il faut l'assumer. Tu sais, c'était je regardais des dessins puis des fois il y en avait que j'étais comme pas à l'aise, la physionomie, la perspective, mais tu dis gars, c'est comme ça que je l'assume, je le fais de même, puis le message passe. En tout cas, l'émotion est là. J'espère que ça passe. Mais je vous tempérais un peu parce qu'il y a quand même des beaux moments visuels aussi dans tout ça. Là, qu'on pense simplement à l'introduction de l'album qui est tout en douceur, tout en lenteur, où on vous voit descendre vers la chambre noire, aller observer votre père en train de travailler, une séquence qui trouve écho un peu plus tard avec votre père qui refait une descente vers son ancienne chambre noire. Donc, il y a des jeux comme ça, des séquences divers. En fait, d'un point de vue visuel, il y a des beaux morceaux dans ce que vous proposez. On sent justement que j'ai l'impression qu'il y a une volonté de nous amener dans l'esprit poétique de l'image, aussi dans l'esprit de la sensibilité qui ressort de l'image. Ah ben tant mieux, c'est super cool ça, que tant mieux si ça fait ça. C'est excellent. Et au final, dans le fond, est-ce que pour vous, bon, l'objectif au départ, donc de ce qu'on en comprend, c'était un peu de raconter votre père, ou est-ce que c'est vraiment la relation, l'idée de transmettre au lecteur d'un côté la relation que vous avez eue avec votre père et de l'autre la relation privilégiée aussi que lui a eue et que vous avez eue avec l'image, d'une certaine façon transmettre un peu ou partager une passion, un parcours? Oui, de partager une passion, d'essayer de raconter l'histoire d'un regard, comment son regard s'est construit, comment le regard aussi de chaque personne qui lit à travers tout ce qu'il lit, ça se construit aussi. Fait que ça, c'est ça dans le fond que je voulais transmettre. Je voulais parler de lui, de sa vie. Je voulais raconter la vie d'un homme, mais d'un personnage que je connais, puis que d'une personne, pas d'un personnage, mais tu sais. Donc, au niveau, je voulais ça, mais je voulais aussi surtout transmettre cette passion-là de cette poésie, puis de développer une sensibilité comme ça pour aiguiser notre regard. Puis voilà. Mélanie Leclerc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À une prochaine. À bientôt. À bientôt. Alors voilà, je rappelle Mélanie Leclerc, donc, qui nous offre cette bande dessinée. Ça s'appelle Contact. C'est du côté de Mécanique Générale et avis personnel, c'est très bon. Jetez-y un coup d'œil, ça vaut la peine. Alors, ben, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur CKRL. Des prochaines minutes, on va prendre quelques moments donc pour partager quelques regards. En fait, la pile de BD qui est quand même assez imposante chez moi. Alors, on va descendre quelques titres. J'essaie de mettre l'emphase sur des titres que j'ai trouvé à tout le moins sympathiques. Donc, vous allez peut-être avoir envie de comparer, de croiser, de regarder en librairie. Je commence peut-être avec un titre qui m'est arrivé plus dans la fin, quelque part au début de l'été, fin printemps dernier. Ça s'appelle « Ça sent le swing, chronique d'une tournée improvisée ». C'est de Enzo. Une histoire, en fait, de tournée improvisée, ça se dit dans le titre. Donc, on retrouve donc des amoureux de la musique, 6 amoureux du swing avec un groupe qui s'appelle Barnatchok et qui décide à brûle-pourpoint de partir en tournée. Donc, ils vont s'amuser à partager leur amour de la musique manouche. Donc, ça va nous entraîner vers Charlevoix, vers le bas du fleuve, jusqu'en Gaspésie. Donc, on se promène un peu à travers ses destinations et à travers le dessin, le trait donc d'Enzo Laure de Mariano qui participe au groupe également. Et c'est le genre d'album, en fait, sincèrement, la première lecture, c'est comme bon, c'est fini. Et là, je me disais, ben là, c'est déjà fini. J'en aurais pris sincèrement le double. Initialement, j'étais un peu, ben voyons, c'est comme où y est le reste de l'album. Et par après, je me suis dit, mon Dieu, si c'est mon grand commentaire, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ben on s'entend que ça reste très sympathique le chemin pour s'y rendre. Donc c'est un récit qui est très éclaté. Donc on va d'une anecdote à l'autre. On nous amène donc dans une petit problème où on cherchait une corde de guitare, une corde d'instrument, donc pour la remplacer du côté de Charlevoix, donc c'est pas nécessairement évident d'en trouver, surtout le week-end. On va faire une petite résidence de création du côté de Mont-Louis, donc des petits épisodes comme ça où on se retrouve un peu en coulisses, donc dans l'ambiance de travail de ce groupe-là, de cette formation-là, et on se promène comme ça, à travers évidemment beaucoup de références musicales, à travers un récit qui est en adéquation aussi, je trouve, avec l'ambiance musicale qu'on veut nous proposer. Donc, on est dans le manouche, on est dans le jazz, on est dans de la musique qui est énergique, et le récit, ça passe vite. C'est pas long comme album, mais c'est au final, et c'est ce que j'ai compris en cours de route, c'est que ça passe vite. Parce que c'est rythmé, on va d'une anecdote à l'autre, il y a des sections, des intermèdes où on nous présente des instruments, certains inventés par le groupe, d'autres instruments plus traditionnels. Donc on nous amène d'épisode en épisode comme ça. Et ça passe très rapidement, c'est rythmé, un peu à l'image donc de la musique au bout du compte qui, elle aussi rythme l'album. Alors qu'il y a, il y a des listes de la musique, il y a des moments de recueillement, donc mais vraiment une série de petites anecdotes. Alors on se laisse porter par ce récit-là. L'écriture, ben elle est naturelle, elle est pas alambiquée, ça coule de source comme on dit. Il y a donc un beau trait aussi, donc au niveau illustration, au niveau travail, vraiment une belle recherche de ce côté-là. Donc un visage, des personnages sont un brin caricaturés, l'émotion ressort, l'ambiance ressort. Donc sincèrement, ça fait un beau métissage à travers tout ça. Donc un chouette album. Si vous avez l'occasion de le feuilleter en librairie, vous allez voir un peu de ce que je veux dire, le côté ambiance, côté esprit, côté rythme. Donc c'est très varié, très épars, mais ça fonctionne et c'est sympathique. Et c'est essentiellement ce qu'on lui demande de cet album-là, ben c'est de fonctionner et d'être sympathique. Alors là-dessus, Paris, donc remporté pour Enzo. Ça s'appelle Ça sent le swing, donc chronique d'une tournée improvisée, et c'est du côté des éditions de La Bagnole. Écoute de la vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et en musique, mais toujours dans la 8 bits, c'est Disaster Piece qui nous accompagne cette semaine avec leur album Crunch, que vous pouvez retrouver à gauche ou à droite. Alors, ben, on poursuit donc ces échanges autour de la bande dessinée. On a le plaisir d'être en compagnie en studio de Michel Giguère. Bonjour. On va parler de bande dessinée, là. On va parler de BD. Arrête qui l'a cru? Et Michel, en fait, je te reçois, t'es de passage ici à quelques jours du premier de la saison des rendez-vous de la BD. C'est mercredi qui vient. Mais en fait, c'est une saison qui est un peu particulière, Michel. Mmh. Et j'aimerais ça, pour nous contextualiser, retournons vers ton texte promo de la saison automne 2019. Ben oui, puisque ça résume bien l'affaire. Alors, ça va comme suit. Les rendez-vous de la BD en sont à leur 30e saison. Déjà 30 saisons de réflexion autour du 9e art et d'exploration au cœur du médium. 30 saisons à rallier des bédéphiles avertis aussi bien que des néophytes curieux. 30 saisons à faire et refaire le pari de marier le ludique et l'analyse. 30 saisons de thématiques variées, de genres, d'invités et ES. Et toujours avec une profusion d'images projetées et toujours avec passion. Donc, 30 saisons, 15 ans de rendez-vous de la BD, c'est pas rien, c'est énorme, Michel. Si j'y vais d'un point de vue amical, la passion est toujours là, ça va de ce côté-là? Non, c'est pas des blagues. J'adore animer les soirées. Quand j'attends que les gens rentrent, là, il y a une espèce de fébrilité, c'est comme une drogue, là. J'adore tout autant les préparer, les présentations, dans la solitude de mon bureau, devant mon ordi, avec toutes ces centaines de couvertures et de planches. C'est un boulot un peu dingue, mais je pense que ça m'apporte encore plus que ce que ça me demande. Et cet automne, c'est un peu la saison des chiffres ronds, on pourrait dire. Faut se donner des thématiques. Entre autres, le 23 octobre, donc ton rendez-vous s'inscrit comme à chaque année dans la programmation du Festival Québec en toutes lettres, qui en est à sa 10e édition. Le 13 novembre, c'est les 60 ans de la création du journal pilote et de sa vedette Astérix. Alors, tu vas nous présenter la vie, la carrière, l'œuvre de Goscinny. Et avant tout ça, le sujet principal de notre échange aujourd'hui, c'est le 25 septembre où on souligne, et où tu soulignes, les 40 ans de la création du magazine Cro. Et pour l'occasion, tu reçois Serge Gabouri. Sans compter qu'en 2019, ça fait 30 ans que j'anime et que j'enseigne la bande dessinée. C'est vraiment la saison des chiffres ronds, oui. Oui, et t'es presque infatigable à travers tout ça. Et je fais un pont avec le texte de présentation, parce qu'on se base sur le texte promo aujourd'hui, ouais. Michel. Tu qualifies Serge Gabouri d'infatigable, lui aussi, mais lui comme enfant terrible de la bande dessinée québécoise. Oui, enfant terrible, sauf que c'est pas le gars lui-même, je le connais pas, mais je pense que c'est pas lui qui est un enfant terrible. On n'a jamais entendu dire que Gabouri avait un caractère difficile. Et puis en tout cas, du peu que j'en sais, à travers mes échanges de courriels avec lui, ça me laisse deviner un bonhomme d'une extrême gentillesse. Non, l'enfant terrible, c'est lui en tant que créateur, à travers son œuvre essentiellement, ses thèmes, surtout son ton, qui est tantôt absurde, tantôt dénonciateur, mais toujours tellement cinglant. Aussi, il faut le dire, il est un enfant terrible par sa représentation outrancière de la violence, puis on peut dire aussi de la cruauté humaine. Oui, c'est d'ailleurs, en fait, j'ai l'impression un peu la mémoire qu'on en a quand on se remémore, par exemple, le magazine Cro. C'est à travers ce magazine-là qu'il s'est fait connaître à travers le Québec. Et le slogan de Cro, on se le rappelle aussi, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Oui, puis lui, il s'inscrivait parfaitement là-dedans. Avant ça, Gabouri avait publié des bandes dessinées dans le journal Le Peuple Tribune en 74. Ça, c'est pas d'hier. Et puis, dès l'année suivante, en 75, à partir de là, il va publier pendant plusieurs années pour le journal de l'Université Laval Au fil des événements. Mais ça demeurait une diffusion régionale. Dans les pages de Cro, dès la création en 79 de ce qu'on appelait aussi le magazine qu'on rit, Gabouri va exploser. L'équipe de Cro est pas reconnue pour avoir fait dans la dentelle, hein. Et d'ailleurs, j'ai hâte de demander à M. Gabouri si les magazines français comme Arakiri, qui lui, parlant de slogan, avait comme slogan le journal Bête et méchant, et puis le rejeton d'Arakiri qui s'appelait Charlie Hebdo, que les gens connaissent aussi pour des raisons plus dramatiques, mais si ces deux journaux-là constituaient une influence importante parmi la gang des débuts de Cro, j'en ai pas la réponse, puis j'ai bien hâte qu'il m'en parle. Mais en tout cas, dans le lot, dans toute la rédaction, puis les collaborateurs de Cro, Gabouri fessait particulièrement fort. Je me demande si, d'ailleurs, l'impact de ses dessins, de ses BD, de ses gags, entre guillemets, là, si l'impact n'était pas dû à leur simplicité, au contraste entre le style gros nez, tout rond, d'une part, et, d'autre part, l'extrême violence ou l'irrévérence ou l'immoralité, carrément, de ses gags. Puis je dis gags, mais tu sais, en fait, on s'entend, c'était pas toujours drôle, hein. C'est vrai que, en fait, les lectrices de lecteurs de Cro ont beaucoup retenu, et c'est beaucoup ce qui m'avait marqué, même quand j'étais petit puis que je tombais sur les magazines de mon père, c'est le côté décapant, provocateur, dérangeant, jusqu'au boutiste. Mais Gabouri, c'est aussi plus que ça, parce que si je reviens encore à ton texte de présentation, Michel Giguère, c'est non seulement un enfant terrible, mais c'est un infatigable enfant terrible. Et il a tellement produit en 40 ans. C'est incroyable. D'ailleurs, dans les quelques courriels qu'on s'est échangés, je lui ai écrit, en toute franchise, là, que pour rendre compte de son œuvre, je ne pouvais pas me limiter aux quelques albums qu'il avait publiés. Puis qu'on possède dans le réseau des bibliothèques de Québec. C'est pas parce que la bibliothèque en a pas acheté beaucoup, c'est que c'est lui qui en a publié moins de 10 en plusieurs décennies de production. Donc, comme la raison d'être des rendez-vous de la BD, c'est encore et toujours de satisfaire les amateurs de BD, mais aussi de mettre en valeur la collection de BD de la bibliothèque, ben là, il fallait quand même néanmoins déborder. Fait que c'est pour ça que je lui ai dit, écoutez, il faudrait que vous, si c'est possible, que vous me fournissiez des versions numériques, parce que je me vois pas essayer de retracer tous vos gags en me tapant tous les numéros des débrouillards, puis tous les numéros de Safari, puis tu sais, fait que effectivement, il m'a tout envoyé là. Ah, c'est vraiment fait, je veux dire, en fait, ça me frappe, en fait, moins de 10 albums à son actif en 40-50 ans de carrière, là, c'est... Ben, l'essentiel, c'est dans les périodiques. Alors, écoute ça, quand je dis qu'il m'a pris, en tout cas, tout envoyé, il va sûrement me dire mercredi prochain, ben non, j'en ai gardé un peu, je vous ai pas tout envoyé, là, mais rapidement, là, dans le fil des événements, c'est de 1976 à 85. Dans Crow, là, c'est toute la durée de l'existence du magazine, de 79 à 95. Son personnage d'Alice dans Titanic, 83-84. On sait que la revue Titanic, comme le bateau, n'a pas fait long feu. Là. Le sport en folie dans Le Soleil, c'est de 1984 à 2002. Le monde de Gaboury, toujours dans Le Soleil, 89-90. La bande à Dino, puis après les poilus, ça c'est en 93. Glic et Gluck dans Les Débrouillards, de 1995 jusqu'à aujourd'hui. Safarir, c'est de 95 jusqu'à la fermeture du magazine en 2010. Histoire d'humour dans le magazine Corps et âme, 98 à 2006. Le personnage de La Terreur dans le journal La Terre de chez nous, c'est de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Kamikaze, 2001-2002. Délire, 2001 jusqu'à aujourd'hui. La Bipo dans Les Explorateurs, de 2005 à aujourd'hui. Et puis, Audi Wallet dans Le Doigt, ça c'est en 2005. Alors, juste en faire la nomenclature, je suis épuisé. Imagine la somme de boulot. Et là-dedans, Michel, on évacue aussi tout le volet caricature, là. Oui. Parce qu'il y en a aussi de ce côté-là. Et quand je regarde ça, c'est à se demander si... comme le fait justement que Gaboury a publié essentiellement dans les pages de périodiques et que somme toute, ben, il y a seulement une petite part de sa production qui a été republiée en album, est-ce que ça vient nuire justement à la reconnaissance ou à la connaissance de l'ampleur de ce qu'il a offert en BD et de son œuvre en général? C'est délicat d'aborder ça avec lui, mais je vais le faire parce que moi je pense que ce que tu soulignes là... ça compte. Je pense qu'il y a là un manque de reconnaissance. Il y a trop souvent des journalistes, des BDistes, pour commencer, là, mais un peu tous les intervenants ou des amateurs de BD qui vont se mettre à faire de la liste là, ou nommer les plus marquants créateurs de la bande dessinée québécoise actuelle ou passée. Et puis, il me semble qu'on oublie souvent Serge Gaboury. Bon, néanmoins, les Joe Shuster Awards l'ont admis au Temple de la renommée des BDistes canadiens en 2010. C'est pas rien. Mais au Québec, je pense à Jean-Dominique Leduc qui a reconnu son apport. Toi, tu lui as consacré une belle longue entrevue de 45 minutes il y a 4 ans. Mais je sais pas si t'es d'accord pour dire que... De façon générale, c'est pas lui qui est nommé là, dans les plus marquants ou dans les incontournables de la BD québécoise. Et pourtant, Serge Gaboury a rejoint plusieurs générations de Québécoises et de Québécois, et pas seulement des BD-files. Justement, pas seulement des BD-files, parce qu'il était présent au quotidien dans des publications généralistes, dans les pages de TV Hebdo, du Devoir, de 7 jours, en plus de tous les autres périodiques que j'ai énumérés tantôt. Il a même dessiné les chars allégoriques de la parade du carnaval à la fin des années 90. Fait que c'est dire qu'il a ratissé beaucoup plus large que le seul cercle des BD-files qui achètent des albums ou qui en prennent la bibliothèque. Et puis pour toutes ces raisons-là, je pense que on peut pas dire qu'il s'est éparpillé. Lui, c'était un créneau très large. Mais justement, on oublie de sous-peser son apport et son importance. Oui, mais tout ça avec un style qui est quand même distinctif aussi. Je veux dire, on reconnaît Gaboury, violence ou non-violence, il y a un style visuel qui s'est vraiment approprié, qui en a fait un peu son créneau, on pourrait dire, au Québec, sa marque de commerce. Oui. Et il le faisait très bien. Il a maintenu une qualité aussi sur l'ensemble de sa carrière. Puis je parlais tantôt de l'hypothétique influence, il saura nous le confirmer ou non, de d'Arakiri ou de Charlie Hebdo. Ben, il y avait du côté français des créateurs, on a entendu parler il y a une couple d'années avec les attentats, mais il y avait des créateurs qui connaissaient pas la rectitude politique ou ça déménageait, ça dérangeait, ça graffinait, et puis ils faisaient du dessin de presse ou de la BD tellement de, en tout cas aux yeux de certains, de mauvais goût, mais très certainement en tout cas tellement provocateur. Au Québec, on peut pas se permettre d'aller aussi loin culturellement parlant, là. Mais Gaboury, lui, il a osé le faire pendant des décennies, dépendamment des publications où il publiait, ben il s'était sagi un peu, évidemment. Mais vraiment, il est allé là dans des zones où pas grand monde est allé, fait que sa marque de commerce, c'est aussi ça, de pas avoir peur de défoncer puis de déranger. Et à travers tout ça, Michel, on l'a mentionné d'entrée de jeu, il y a une grosse préparation pour les rendez-vous de la BD pour chaque rendez-vous. Tu fais de la recherche, tu fais des lectures, et ce qu'il t'a envoyé, ce qu'il a publié, tu l'as lu. J'ai l'impression, et je t'imagine un peu depuis 3-4 semaines à baigner dans du Gaboury, à ne lire que du Gaboury. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un élément qui t'a surpris, qui t'a marqué? Est-ce que tu as une révélation? Oui. Je dois l'avouer, j'en ai presque honte, là. Parce que, comme tu disais tantôt, j'avais le souvenir, je me souvenais qu'il avait fait le grand écart entre Les Débrouillards d'une part, de la BD pour enfants, puis des trucs, franchement, trash, tu sais. C'est de ça dont je me souvenais. Un humour glauque, carrément sanguignolant. Ce dont j'ai pris conscience en me plongeant vraiment dans toute son œuvre, ce que je retiens là, de mon survol des dernières semaines, c'est la préséance dans l'œuvre de Gaboury des considérations sociologiques, humanistes, écologiques. Et ça, je m'en souvenais pas. Mais c'est ça qui est c'est ça qui est majeur. C'est ça qui prend le plus de place, somme toute. Si je me fie aux photos de lui qui sont disponibles, il y en a quelques-unes sur Internet ou au dos de ses albums. Écoute, je le regarde à la face, là, je peux pas me figurer que ce qui est chez cet homme-là un brin de violence, mais je devine un citoyen indigné et parfois dégoûté. C'est peut-être ça l'explication. Oui, puis sur certains sujets, parce que je me rappelle un peu la monographie que Perrault Éditeur avait offert il y a 4 ans, justement, de sang et d'encre et de sang, c'est beaucoup ce qui m'avait fait ressortir à quel point il était parfois dans l'actualité de l'époque et très fortement imbriqué dans le questionnement social, et des fois même en amont de certains questionnements sociaux. Quand on parle d'écologie, ben tu sais, c'est des sujets qui sont amenés le consumérisme, et le reste, des réflexions que collectivement, on a commencé à avoir des fois un peu plus tard, du moment qu'il nous les a proposés, à travers justement sa manière unique de nous ébranler peut-être un peu pour nous faire réagir, pour nous faire réfléchir. Et à ce propos-là, l'autre révélation un peu, c'est à quel point, parce que tu parlais de traduire un petit peu, donner le pouls de telle ou telle époque, parce que ça part avec Crowe, ça part de toute fin des années 70, on ratisse large. C'est à quel point notre époque est devenue de plus en plus engluée dans la rectitude politique. Bon, tu sais, là, on voit que c'est Justin Trudeau qui en arrache, qui se débrouille, là. Mais je regardais un tas de BD de Gaboury en me disant « Hé! Est-ce qu'un éditeur laisserait passer ça aujourd'hui? Qui pourrait se permettre de publier ça aujourd'hui? » Fait que mercredi prochain, on se censurera pas, on va les regarder. Oui, puis ça vaut la peine, et son regard est riche aussi, en fait, de ce que je me souviens des rencontres avec lui. Donc je pense que ça promet tout un bel échange, le genre d'échange où j'aurais presque envie de te dire, Michel, enregistre-le. Ouais, puis fais une balado, quelque chose. Ouais, il va y avoir, je pense, du contenu pour intéresser les gens qui sont pas nécessairement des grands bédéphiles. Je pense que ça va déborder largement le seul cadre de la bande dessinée comme telle. Oui, puis en fait, je veux dire, de toute façon, une rencontre d'1 heure, 1 heure et demie avec un créateur, on va en profondeur. On voit des trucs qu'on n'a pas revus depuis leur publication. Ça promet. C'est mercredi 25 septembre. C'est à 19h. C'est à la Maison de la littérature. Donc, Gaboury croque toujours. Entretien avec l'infatigable et incontournable Serge Gaboury. C'est gratuit. Il y a un nombre de places limitées. J'aurais tendance à dire, organisez-vous pour arriver pas trop tard. Oui, ben si vous voulez avoir des bonnes places puis pas être debout, parce qu'il y a une bonne capacité, mais à ce moment-là, c'est parce qu'il y a plein de gens qui sont vraiment en arrière, un peu debout. Là, fait qu'arrivez donc au moins 15 minutes à l'avance. Alors ben à mercredi et au mois prochain. Certainement. Merci. Alors je rappelle donc Michel Giguère, donc animateur des rendez-vous de la BD, et on parlait donc de ce rendez-vous du 25 septembre 19h à la Maison de la littérature. Dernière ligne droite de la vie en BD, une dernière ligne droite dans laquelle on va porter peut-être un petit regard sur album dont j'ai envie de vous parler. Et pourquoi pas, ben, tu sais, on parlait de mécanique générale. Rapidement, je mentionne un titre que j'ai eu l'occasion de parcourir. Ça s'appelle Gombry, c'est d'Hélène Hedda. Donc, une bande dessinée qui avait été offerte il y a de ça quelques années du côté d'Helsinki, si je me trompe pas, qui nous arrive maintenant ici en version traduite. Et une autrice, en fait, que sincèrement, je ne connaissais pas. J'ai été rapidement séduit par son style visuel. Je pense que c'est beaucoup ce qui marque, ce qui ressort de tout ça. Si on joue le jeu des références et on reste dans l'écurie mécanique générale, ben ça peut rappeler peut-être un peu Catherine Oslo dans la composition, dans les visuels, dans l'utilisation des couleurs, des ensembles. Sincèrement, si vous croisez cet album-là, parcourez-le, vous allez le trouver très beau. C'est vraiment la première chose qui frappe à l'esprit en regardant Gombry. C'est un récit, dans le fond, qui est très contemplatif à un certain égard. Il y a quelque chose qui me faisait penser un peu dans la structure, peut-être un côté Godot, là, des personnages qui sont beaucoup dans l'attente, qui essaient de se mettre en marche, qui font un peu des demi-dialogues, des bouts de constat. On sent qu'il y a une grande part quand même d'inconnu aussi autour de ça, qu'il y a des éléments qui se placent, que les gens ont conscience qu'il y a des éléments qui se placent, mais donc on joue un peu avec tout ça. Donc c'est un peu une ambiance qui me rappelait un brin Beckett, mais avec justement une explosion visuelle, une belle poésie dans l'image. Donc on se retrouve à suivre donc Gombry qui décide de quitter un jardin qui était magnifique mais qui est devenu avec le temps désolé, qui se retrouve éventuellement sur une île où il rencontre un deuxième personnage, et ensemble en fait vont choisir d'aller vers la ville, et finalement il se rend compte qu'il y a des parts de ce personnage de Nana, donc qu'elle a oublié, mais qui vont finir par la rattraper, et là tranquillement le récit se construit à travers tout ça. Donc des éléments sur l'origine de soi-même, sur la lecture, etc., etc. Donc on joue avec différentes dimensions, toujours dans un récit qui est très beau esthétiquement. Peut-être au niveau narratif, la faiblesse que je donnerais au récit, c'est le texte parfois un brin moralisateur, c'est pas nécessairement le bon terme, mais disons qui vient expliquer parfois de manière un peu maladroite, mais en même temps, ça fonctionne quand même. On se retrouve dans ce récit très poétique, très contemplatif, avec une belle lenteur, un côté un brin absurde, mais pas de l'absurde humoristique, pas de l'absurde qui décontenance, mais simplement dans l'ambiance particulière qui ressort de ça. C'est un album quand même assez difficile à décrire. Je m'en rends compte particulièrement en faisant l'exercice avec vous. Mais jetez un coup d'œil si vous le croisez en librairie. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous en avez l'occasion. Et puisque le temps nous le permet, je prends une petite minute aussi pour mentionner une autre sortie. Je suis un peu en rattrapage de printemps. Donc, l'idée de rue de Montréal, donc pour le 375e anniversaire de Montréal, il y a eu plusieurs propositions autour de l'histoire de la ville. On avait parlé de Paul à Montréal, entre autres. Il y a eu d'autres trucs aussi, des BD historiques. Et il y a eu ce montage-là qui avait été produit par le Festival BD de Montréal et l'équipe de la revue Planche. Donc, sur l'histoire des rues de Montréal... Je dois avouer, je déteste pas les collectifs parce que c'est le genre d'album que si c'est bien fait, si les auteurs sont bien choisis, bien ça nous offre une belle collection de styles. On fait un peu des sauts dans l'esthétique, dans les approches narratives, dans les tons, et j'aime bien. Et c'est parfois aussi des belles occasions de découvrir ou de redécouvrir certains auteurs. Et là-dessus, en termes de sélection d'offres, en fait, sélection des auteurs choisis, c'est vraiment l'équipe a mes félicitations là-dessus. On a vraiment une belle variété dans le style graphique, dans les approches narratives, des trucs très éclatés, des trucs plus traditionnels. Chaque auteur, évidemment, chaque autrice qui reste fidèle à leur style, à leur personnalité, à leur approche. Donc là-dessus, en termes de variété, là, vraiment, c'est au rendez-vous. Et ça doit ressortir d'autant plus que dans le contexte d'une exposition physique ou virtuelle, où on découvre justement ces courts récits, un après l'autre. Évidemment, c'est aussi dans le défi des courts récits, ça reste quelques planches pour nous raconter un lieu, le contextualiser, offrir un peu l'évolution historique de cet endroit-là. Alors ça, c'est toujours un défi. C'est vraiment, à mon sens, pas facile de faire du court récit. Et là-dessus, il y en a plusieurs qui s'en sortent très bien, et chacun dans leur style, dans leur approche. Donc Julien Paré-Sorel qui va avec une visite dans un lieu de son enfance et à travers lequel il découvre un peu l'histoire de ce lieu-là qui lui était absente, dans le fond, qu'il ne connaissait pas, et donc ça change un peu le regard sur des lieux qui lui apportaient apaisement. On a Obom qui raconte la vie d'une sainte de manière assez rigolote. Il y a Boom qui offre un petit regard très simple sur les bains, la prise de bain, une petite aventure familiale toute simple. On a donc en ouverture Guillaume Perrault qui offre une belle petite histoire amoureuse. Donc plein de récits comme ça qui fonctionnent bien. Évidemment, tous ne sont pas égaux. Il y en a qui fonctionnent quand même un peu moins bien, mais tout de même, là, ça frappe des coups sûrs et des coups de circuit plus souvent que l'on frappe hors touche. Alors, encore là, un récit que je vous suggère peut-être de parcourir, de jeter un coup d'œil si vous le croisez en librairie. Il y a plusieurs beaux morceaux et en termes de tonalité, donc parfois on se permet aussi des allées vers l'absurde. Je pense à Saturnome, à Samuel Quentin, qui avait des trucs assez chouettes aussi de ce côté-là. Donc, sincèrement, un beau recueil qui m'a agréablement surpris quand j'ai eu l'occasion de le croiser en librairie. Alors, je vous le partage de ce fait. Alors voilà pour ces petites parenthèses critiques. Nous, c'est là-dessus qu'on va terminer cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on sera une belle gang ici en studio, puisque ce sera la première édition 2019 de notre club de lecture. Alors Marco Duchesne, Jérôme Vermette, Édouard Tremblay seront avec moi. Et je vous invite, en début de semaine prochaine, jetez un coup d'œil sur le blog laviebd.wordpress.com ou sur notre page Facebook. On va vous partager nos lectures. Donc, si vous souhaitez les lire et les parcourir, vous en aurez également l'occasion. Alors voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.